Pendant les Jeux olympiques, Dolbo Auto est en mode olympique avec des spéciaux dignes de la médaille d'or. Le Silverado, 0% sur 72 mois ou encore le Sierra, 98$ par semaine pendant 48 mois. Dolbo Auto, 1770 boulevard Walberg, Dolbo Mistassini au 418-276-0580. Le propriétaire, M. Stéphane Fortin et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et à Cassandra Bradette pour les Jeux de Pyeongchang. On va parler d'NBA avec Pascal Jobin, qu'on est qu'aux deux semaines. Salut Pascal! Salut Danny, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Pascal, là, je veux te parler d'abord, il y a plusieurs affaires que je veux te parler. Nous autres à Montréal, on souhaite que le Canadien finisse dans le cadre pour avoir un bon choix au repêchage. Mais Mark Cuban, il fait pas les choses comme les autres. Il a pratiquement avoué qu'il a fait exprès pour perdre ou encore. Et il s'est fait mettre en amende et ça, la NBA n'a pas aimé ça. Dans le fond, il était peut-être trop frais, hein? Ben, moi, j'ai écouté les commentaires de Mark Cuban. Je pense que tu as raison, il était trop franc. Ouais. Je pense que ce qu'il n'a pas dit que c'était un effort de perdre des matchs. Ouais. OK? Il a dit que c'est peut-être mieux de perdre des matchs pour aller chercher une bonne position pour le repêchage. Ça, c'est la vérité. Ben, c'est la vérité. Puis, les Canadiens, on veut ça à Montréal. Ah, oui. Non, mais jamais Jeff Molson ou Marc Bergevin, ou même l'entraîneur-chef, va faire un commentaire pour dire, regarde, on va tout faire pour perdre. Ouais. En ce moment, est-ce que la commotion cérébrale de Carey Price, elle est vraie? Puis est-ce que la blessure de Shea Weber, elle est vraie? On fait juste de dire, on enlève ces deux joueurs-là de l'équation pour s'assurer vraiment de perdre. Là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ben, en tout cas, c'est... Ah, mais on peut se poser des questions, t'es d'accord avec moi? Si on prend Mark Cuban puis Dallas, la seule différence, c'est que Mark Cuban, je pense que c'est avec Julius Erving à la radio, il l'a dit, regarde, tu sais, moi, ça me dérange pas de perdre des matchs, tout ça. Puis Mark Cuban, faut pas t'oublier que dans la NBA, c'est probablement le propriétaire le plus coloré, flamboyant, et il a pas la langue dans sa poche. Ouais. Mais tu sais, quand tu payes des joueurs 70 millions, ça va quand même pas dans... Il y a un effort que si tu payes quelqu'un ce salaire-là, tu essaies de gagner des matchs. Mm-hmm. Il n'y a pas comme échanger des joueurs. Je te donne un exemple. Il a fait un commentaire, mais il agit avec l'organisation des Mavericks comme quelqu'un qui veut gagner des matchs. Okay. À l'encontre, je te donne un exemple. Les Suns de Phoenix, en début d'année, tu t'en souviens, ils ont dit à Eric Bledsoe, reste chez toi. OK. Reste chez toi. Fait que, oui, je m'en rappelle de ça. Si tu joues pas, ben peut-être que tu vas partir, peut-être qu'on va t'échanger. Sinon, on va quand même perdre des games, puis on ira chercher un meilleur meneur l'année prochaine ou on ira chercher quelqu'un dans le repas. Fait que, tu sais, il y a différentes façons. Je pense que Adam Silver puis la NBA, ils veulent être sûrs que les commentaires... Ça n'est pas l'intégrité du sport. Exactement. C'est ça qui est... Qu'est-ce qu'ils vont agir? Regarde Magic Johnson et les Lakers. On parle Paul George avec l'organisation des Lakers, c'était 500 000 $. Ouais. Mark Cuban, c'est 600 000 $. Et dernièrement, Magic Johnson, il a fait un commentaire sur Giannis Antetokounmpo en voulant dire, wow, c'est le futur de la Ligue. Puis il a reçu 50 000 $ d'amende par Adam Silver. Comme si t'es un président d'équipe, un dirigeant d'équipe, un propriétaire d'équipe, tu ne peux pas faire de commentaires dans les médias publiquement par rapport à d'autres organisations, par rapport à d'autres joueurs. Non. Tu n'as pas le droit de faire ça. Et par rapport à l'intégrité de la Ligue. Fait que moi, je suis à 100% d'accord avec ce que Adam Silver a fait, mais je pense pas que à Dallas, t'as fait exciter pour perdre des matchs. Non, c'est sûr. Puis c'est dans le fond, moi, je souhaite quasiment à Montréal qu'on fasse ça, parce que ça fait trop d'années que ça tourne en rond. Fait que tant qu'à être rendu là, ah ouais, go. Fait que Tu peux pas avoir une conversation des Canadiens avec moi, parce que moi, je suis convaincu qu'on n'a pas échangé la bonne personne. Mais ça, c'est notre histoire. On va parler basket. Ouais. Pascal, je veux te parler aussi du match des étoiles qui a été beaucoup mieux cette année. Les joueurs avaient promis un effort. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, premièrement, la NBA est très à l'écoute de ses joueurs. OK. Et les joueurs ont dit, faudrait peut-être qu'on change un petit peu le... T'sais, faut pas se mentir. Un match d'étoiles, c'est un match d'étoiles. Okay? Ouais. Ça veut dire que c'est un repos pour presque tous les joueurs de cette ligue-là pendant presque une semaine. Donc, ceux qui sont là-bas, ben c'est quand même les médias puis les présentations, puis ils ont pas vraiment de repos. Mais le match, depuis une couple d'années, ça finit c'est le match, il y a quasiment 400 points. Là. Ça n'a aucun sens. Là. C'est juste des dunks. Fait que c'est même pas intéressant de regarder ce match-là en toute honnêteté parce qu'il manque un petit peu de combativité. Mais tu sais, tu es dans un match étoile, tu ne veux pas nécessairement te blesser. Je pense que cette année, les joueurs et la NBA ont décidé, ils ont dit, regardez ce qu'on va faire. On va faire la formule normale. Les spectateurs votent pour les 5 partants de l'Est et de l'Ouest. Mm. Après ça, les entraîneurs votent pour les 7 réservistes. OK? Une fois que ça va être fait, on va faire un repêchage. Et les deux qui ont le plus de votes, ça donne que cette année, c'était LeBron James et Steph Curry. Ben, LeBron James dans l'Est, Steph Curry dans l'Ouest. C'est à eux qu'on va donner capitaine d'équipe. Et eux vont repêcher des joueurs. Ce qui était le fun, c'est que, pense-y, ça aurait été impossible tant aussi longtemps que Kevin Durant est dans l'Ouest, qu'il joue dans un match étoile avec LeBron James qui est dans l'Est. Tu comprends, t'es d'accord avec moi? Ouais. Mais cette année, c'est ça qui est arrivé. Fait que Kevin Durant a joué avec LeBron James. Kyrie Irving a joué avec LeBron James. Fait qu'ils ont fait un repêchage. Ils l'ont pas télévisé parce que c'était la première fois à l'association. Mais on veut le téléviser l'an prochain. Là. Ouais, l'année prochaine. Et ça l'a donné un match un petit peu plus combatif. Ça a quand même fini 148, je pense, à 150. Là. Mm. Mais ça l'a donné un match beaucoup plus excitant, beaucoup plus fun. Ça a été une fin de semaine. Le concours de dunk était correct. Il était pas spectaculaire, mais il était pas mauvais. Le match des célébrités, c'est toujours quelque chose de drôle. Le match, on fait le monde. Tous ceux qui sont première année ou deuxième année dans la NBA, Danny, il y a un match, je pense que c'était le vendredi soir, il y a un match, c'est les joueurs qui sont pas américains contre les joueurs américains. Ouais. Et ça fait toujours quelque chose de le fun, et c'est encore une fois les joueurs non américains qui ont gagné ce match-là. Ça a été un match quand même assez intéressant. Fait que ça a été une belle fin de semaine. Les codes d'écoute étaient presque aussi bonnes que l'année passée, mais avec cette nouvelle formule-là, l'année prochaine, je m'attends à ce que ça augmente les codes d'écoute pour le match d'étoiles. Mais ça a été quelque chose, je pense, que tout le monde a apprécié. Il y a eu un effort de la Ligue pour changer. Mais tu sais, la Ligue nationale de hockey, ils font la match d'étoiles, c'est des 3 contre 3, je ne me trompe pas. Oui, effectivement. La Ligue nationale de hockey aussi fait des efforts, comme la NBA, pour rendre cette fin de semaine-là le fun pour les spectateurs, pour les fans. Bon. Et c'est tout chapeau aux deux ligues d'être à l'écoute de leurs athlètes et de leurs spectateurs pour essayer de faire une fin de semaine le fun. Moi, je pense que ça a été quelque chose de le fun de voir des joueurs que normalement, t'aurais jamais pu voir. Pense-y à l'époque avec Michael Jordan dans l'Est et puis Magic dans l'Ouest. Ben, Jordan, il choisit Magic ou Magic choisit Jordan. Peut-être que ça n'aurait pas été parce que ça aurait été les deux premiers avec le plus de points. Ouais. Mais ça a été le fun. Puis là, tout le monde disait qui a été choisi le premier. C'est LeBron James qui avait le premier choix. Il a choisi Kevin Durant. Effectivement. Donc, Pascal, évidemment, il y a le commissaire de la NBA, Adam Silver, qui s'est adressé à la nation, l'adresse à la nation durant le match d'étoiles. Et là, il a parlé d'y aller avec changer la formule des séries. 1-16, 2-15, 3-13, et ainsi de suite. Donc, il n'y aurait plus de 1-8. Et donc, tu pourrais, par exemple, avoir les Raptors contre les Clippers de Los Angeles en première ronde. Moi, ça me... Écoute, si on y va comme ça, la formule 2-3-2 va revenir, quoi? Mais LeBron a déjà manifesté qu'il voulait pas ça. Non, LeBron n'est pas d'accord. Mais tu sais qui sera probablement pas d'accord? Qui paye les athlètes de nos jours dans les ligues professionnelles? C'est la télévision. Et c'est la télévision. Imagine-toi, Toronto joue contre les Clippers. Mm. Tu sais, je pense que c'est 70% des codes d'écoute viennent de l'Est. Là. Mm. Fait que là, tu te retrouves avec une finale NBA qui va jouer à quelle heure le soir? À 11h le soir? Ben oui, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu peux pas jouer la finale NBA dans... Normalement, mais ça à 21h. Normalement, mais ça à 21h. Oui, mais il y a quand même une réalité avec les deux équipes. Selon moi, je pense que tu changes pas ça. Hmm. Parce que c'est pas vrai qu'il y a mettons, là, ça arrive à chaque année que soit en général, c'est dans l'Ouest, OK, Danny? Hmm. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une équipe qui finit 9e, qui fait pas les séries, des fois une meilleure fiche que l'équipe qui a fini 7e dans l'Est. Ouais. Et c'est ça qu'on aimerait contrer. Mais si on prend les 10 dernières années, il n'y a pas une énorme différence. Il y en a une petite, mais il n'y a pas une énorme différence. Puis c'est pas comme si c'était toujours l'Ouest qui gagnait le championnat NBA non plus. Là. Non. OK? Fait que je pense qu'on n'est pas rendu là. Qu'on soit dans la conversation, ça fait des années qu'elle est là, la conversation. Est-ce qu'on va faire un choix éventuellement pour dire, OK, on va de l'avant, on prend les 16 meilleures fiches. Donc, l'équipe qui a la 16e meilleure fiche, Fait que ça veut dire que tu pourrais avoir 10 équipes de l'Ouest, 6 équipes de l'Est, exemple. Mm. Mais je regardais ça, à chaque année, depuis que j'ai ça dans la tête, je regardais ça, puis avant Noël, il y avait plus d'équipes dans l'Est qui avaient une meilleure fiche que dans l'Ouest, en passant. Ouais. Puis ça varie souvent pendant une saison. Fait que, mais, c'est, le transport. Hein? Ah, le transport, donc, écoute. Mettons, mais on va y aller 2-3-2. Boston joue contre les Clippers. Ouais. La série après, Boston joue contre les Spurs. Ouais. C'est du transport, là. Ouais, mais on va y aller. Si ça va de même, ça va y aller 2-3-2. C'est sûr et certain que ça va être la formule qui va être employée. Pascal, avant de parler de la NCAA, je vais te parler des Raptors. Donc là, c'est la fin de la saison. La clé, c'est au moins d'avoir. Je pense pas qu'on obtienne l'avantage du terrain pour tout le long des séries, mais l'avantage du terrain pour l'Est. Et ça va se jouer contre les Celtics. Aujourd'hui, on l'a. Aujourd'hui, on l'a pour l'Est. C'est assuré. Je pense que pour Toronto, là, ouais, de finir premier dans l'Est, c'est une priorité. En toute honnêteté, Cleveland, l'année passée, s'est permis de ne pas finir premier, puis ils se sont rendus en finale. Okay? Ouais. Toronto doit avoir cet avantage du terrain-là. C'est drôle parce que j'écoutais pendant la fin de semaine des Étoiles, tout le monde parlait que Toronto, c'est l'équipe qui manque le plus de respect de la Ligue. C'est au Canada. C'est pas ça que le Canada. Je sais pas pourquoi. En fonction qu'on y croit pas à Toronto. Mais j'ai aimé le commentaire d'Azaï Thomas. Lui dit, pour lui, Toronto, il les voit en finale cette année de la NBA. Allez. Ils vont en finale cette année. C'est quoi? C'est une équipe de travaillants. Hein? DeRozan et Lowry sont de bons joueurs. Mais c'est pas nécessairement les grandes vedettes là. Les LeBron, les Curry, et ainsi de suite. Mais c'est une équipe qui travaille bien. Et on était patient. Dwayne Casey est toujours à la barre. Kyle Lowry s'est développé comme joueur étoile avec les Raptors. DeMar DeRozan, qui était repêché par les Raptors, est devenu, selon moi, un des meilleurs joueurs de la NBA en ce moment. Là, DeMar DeRozan. Puis là, il vient d'ajouter un tir de 3 points qui commence à être de plus en plus dangereux dans un match de basket. C'est Serge Ibaka qui est rendu là. Jonas Valanciunas, ils ont tout. Ils ont été chercher CJ Marr. Leur banc est exceptionnel avec Siakam et Van Fleet. Écoute, c'est une très, très belle équipe. Je pense que ça va être super intéressant à Toronto. Danny, je m'attends à ce qu'il y ait des records de cotes d'écoute cette année de la NBA au Canada, justement à cause des Raptors. Ça va être vraiment, vraiment le fun de voir ça. Des Leafs, des Raptors, tandis qu'à Montréal, nous, on va roter le Canadien pendant 4 mois de temps. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Puis on va inventer des rumeurs pour plaire, puis on va analyser les rumeurs qu'on a inventées. C'est ça qu'on va faire. Tandis qu'à Toronto, on va parler des Leafs, des Raptors et des Jays. Hey, Pascal, en terminant, je veux faire un tour du côté de la NCAA. Grosse nouvelle cette semaine. Ben là, c'est un scandale. Louisville qui s'est fait retirer son titre en 2013. Ça donne quoi? Absolument rien, Danny. Ouais, mais je veux dire, les joueurs qui avaient à être recrutés, écoute, là, il perd de rien, dans le fond. T'es aussi bien de... Danny. Le gars qui a gagné le championnat en 2013, là, ouais. André Ward, là, il a sa bague chez eux. Là. Ben la oui. NC, ils vont pas venir gagner à sa porte. Excuse-moi, mais peux-tu leur donner la bague? Mais non. C'est niaiseux. Honnêtement, là, la NCA, puis je le dis fort, là, c'est une blague pour moi. Puis là, dépassé. Attends, si tu veux faire une vraie sanction, Rick Pitino, là, il devrait plus avoir le droit de coacher. Ça devrait être de la prison. Je te donne un exemple. Là. Moi, mon problème avec ça, c'est que là, ils vont dire en 2013 puis 2016, tous les victoires vont à l'équipe qui c'est ridicule. Ouais. C'est ridicule. L'interdiction du March Madness aussi. Mais écoute ce que je vais dire, Danny. Ouais. Quand ils ont gagné en 2013, l'université a fait combien d'argent? C'est fictif. Mais mettons qu'ils ont fait 15 millions cette année-là. Mm. Ben là, dis à l'université, vous devez nous rembourser le 15 millions. Parce que, pense-y, Danny, là, si tu me dis, Pascal, quand tu vas à l'université, moi, j'ai gagné un championnat NCAA 2e division en 1988. Okay? Puis, 20 ans plus tard, quelqu'un me dit même pas là, 5 ans plus tard, quelqu'un me dit, en passant, à cause d'un joueur qui avait signé avec un agent, puis finalement, vous n'avez pas le droit de garder vos championnats. Ben, je l'ai gagné, moi. Je l'ai joué sur le terrain. Ben oui. Le match a été gagné. C'est ridicule. Ouais. Pour moi, la NCAA, Danny, c'est une farce. Ah non, puis là, il y a un autre. Puis là, moi, ce que j'interdirais, c'est de jouer le March Madness. C'est, écoute, c'est, on, normalement... C'est interdit. Écoute, là, le directeur de l'université, ouais. Le coach de l'université et les joueurs ne sont plus là. Ben non. Ne sont plus là. Fait que tu vas interdire à Louisville de jouer pour quelque chose. Pénalise les gens qui étaient là. Ouais. Donne une amende à Rick Pitino de 10 millions. Il a coaché dans la NBA. C'est un bonhomme-là vaut au moins 50-60 millions. Pitino devrait donner 10 millions à l'université. Ouais. Tu punis les gens qui ne sont... Tu punis une organisation que la raison pourquoi ils sont punis, les gens sont plus là. Les joueurs n'ont pas été punis. L'entraîneur a été mis dehors. Le directeur des sports a été mis dehors. Fait que là, maintenant, tu punis l'université. Tu punis Louisville. Mais Louisville, c'est quoi? Tu comprends-tu? Oui. Tout ce que ça va faire, c'est que le basket va tomber à l'eau. Tu sais, ça tombera pas à l'eau, mais ça va tomber bas. Ben, mon point dans ça, Danny, là, la NCAA, c'est ridicule. Ouais. C'est niaiseux. C'est stupide. Puis là, il y a un autre scandale qui s'en vient. Je sais pas si tu as vu ça, le ASM Sport. Qui est une agence qui a avoué qu'ils ont prêté de l'argent à des joueurs vedettes, dont Markel Fultz, qui est avec les 76ers de Philadelphie aujourd'hui. Et ça semble être une agence, évidemment, de genre de publicité de promotion. On veut les recruter par la suite. Puis là, ça risque d'être, la NCAA de ce côté-là risque d'être éclaboussée encore. Tout ça parce qu'évidemment, ça revient toujours à la même histoire. Les joueurs sont pas payés. Puis on recherche le gros talent. Danny, ouais. pendant les années 2000, j'ai passé 3 ans à Philadelphie. J'avais un joueur de Montréal qui était recruté par tout le monde. Je parlais avec plein d'universités. J'ai parlé avec des agents. J'étais assis dans le bureau de l'entraîneur au New Jersey, puis il m'a passé le téléphone, puis il a dit bonjour à l'agent de Michael Jordan, David Falk. Mm-hmm. C'est une business. Mm. C'est une réalité. Moi, j'ai toujours dit, puis tu m'as entendu dire ça sur tes ondes, Danny, si tu veux nettoyer les problèmes d'argent, paye le coach 1$ de plus que le prof de maths de l'université. OK? Ouais. La raison pour ça, pense-y à ce que je veux dire en ce moment, Danny. Demain matin, tu m'engages pour coacher l'université X. Tu me donnes 1 million par année. OK? Puis je sais qu'il y a un bon joueur à Montréal. Ben moi, je vais appeler Danny. Hey, Danny, comment je vais faire pour venir chercher ton joueur? Ben là, Pascal, peux-tu donner de l'argent à mon programme d'été? Oui, oui. Fait que... Je parle avec quelqu'un, puis je fais un transfert d'argent, puis c'est une business comme ça. Tu payes des entraîneurs. Il y a un contrat de télévision dans les milliards de dollars. Puis les autres sont surpris qu'un agent paye un billet d'avion à la mère d'un joueur parce qu'il veut assigner son fils plus tard. C'est une farce, la NCAA. Ouais. C'est une joke. Les règlements d'agents aux États-Unis, c'est ridicule. En Europe, est-ce que tu entends des problèmes d'agents en Europe? Jamais. Non. C'est quoi le légendaire joueur de soccer, Ronaldo? Ronaldo, Messi aussi. Il a signé avec ses agents quand il avait 10 ans. Ouais. Puis j'ai pas besoin d'aller loin que ça. Au Québec, tu peux signer avec un agent quand tu as 12 ans. C'est tes parents qui signent avec ton agent. Mm. Aux États-Unis, ben non, faut pas que tu parles avec un agent. Faut pas que tu signes avec un agent. Faut pas... Hey! Mais... C'est ridicule. Mais tout ça pour te dire que... Pour moi, la NCAA, c'est une farce. Tout ça pour te dire que... C'est un gars comme Coach K... Qui a recruté les trois meilleurs joueurs de la NCAA pour l'an prochain, du high school. Coach K est le visage de la NCAA. Moi, personnellement, je vais être naïf parce que j'adore ce personnage-là. Je suis sûr qu'il n'a jamais rien fait. Mais tu sais quoi? Il y a des gens qui s'assurent que le kid s'en va. Coach K ne peut pas contrôler le joueur, le gars qui a de l'argent qui dit à Zion. Va-t'en à Duke. Il sait même pas Coach K, ça. Mais le gars, il dit, si tu vas à Duke, moi, je vais m'occuper de ton oncle, puis ta grand-mère, puis ton grand-père. Tu sais, ça, là, on pourrait faire un show juste sur ça, Danny. Oh, ouais. Toutes les histoires. Puis pour les gens qui comprennent pas ce qu'on parle, allez voir le film avec Denzel Washington qui s'appelle He Got Game. C'est le meilleur film qui explique que même le gouverneur de l'État a libéré de prison pendant un certain temps le père du joueur de basket pour qu'il convainque son fils d'aller jouer à son à son ancienne université. Pense-y, là! Puis des notes falsifiées pour permettre aux joueurs de jouer soit au football ou au basket. C'est la même affaire. Pascal, on se reparle dans 15 jours? Plaisir. Collaborateur de basket, Pascal Jo.